Chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro, accompagnée de Gentiane Lafrance. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam. Toujours heureuse de te retrouver mercredi soir, parce que c'est là que les auditeurs nous entendent, mais... Oui, tous les mercredis soirs à 18h30, c'est un rendez-vous entre toi et moi, Myriam, pour l'aérospatiale. Exactement, mais c'est Gentiane, toi, tu nous as préparé quoi cette semaine? Bien, je rencontre Paul Béliveau avec son chapeau de président d'honneur de la Foire en arts actuels de Québec. Donc, on va discuter de ce bel événement qui, en formule virtuelle, peut durer un peu plus longtemps et qui permet aussi là, d'avoir des capsules audio, certaines visites d'ateliers en 3D. Là, c'est vraiment une très, très belle exposition web. Oui, justement, parlant de virtuel, moi, j'ai rencontré virtuellement Anne D'Amour McDonald de la Galerie A et Virginie Mercure, qui est une des deux artistes qui expose virtuellement présentement sur le site web de la Galerie A. Puis, on parle justement dans l'entrevue des avantages, si on peut dire, de cette tournure virtuelle, malgré nous, si on peut dire ça comme ça, là, un peu... obligé, mais on peut y trouver des côtés positifs, là, dont des belles expositions qui sont accessibles à un petit peu plus de gens. Tout à fait. L'accessibilité, c'est un des beaux côtés. Et puis, cette semaine, c'est Simon qui nous fait une sélection musicale. Donc, il nous présente le trio Trip Hop Wax Triptych. Donc, qui est composé de Mononome, Genova 7 et Mr. Moods. Donc, c'est trois artistes qui viennent de la Grèce, du Canada et des États-Unis qui se réunissent dans ce projet-là. Et puis, c'est des extraits de l'album A Tale of Three Heads, qui est paru en 2017, qui va ponctuer nos interventions ce soir. Donc, on va commencer avec un extrait de la pièce de Chase. Thank you. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale. Nous venons d'entendre un extrait de la pièce Moonlight Vibe. Et j'ai avec moi, au bout de l'écran, Paul Béliveau, bonsoir. Bonsoir. On avait envie de parler avec toi dans ton rôle de président d'honneur de cette 7e édition de la Foire en art actuel de Québec. D'abord, j'avais envie de te lancer sur cette question-là, mais pourquoi c'est important d'avoir une Foire en art actuel à Québec, Paul Béliveau? Bien, premièrement, je trouve que les foires, en tout cas surtout celles à Québec, c'est l'opportunité pour des jeunes artistes de se faire connaître. C'est ce qui n'est pas toujours le cas parce que tu as des foires comme à Miami, des grandes foires où c'est plus des artistes qui sont déjà établis. Alors que la foire, comme par exemple la foire à Saint-Lambert aussi, qui est une foire en art actuel, et la foire d'art actuel de Québec, c'est vraiment l'occasion pour des artistes de jeunes artistes de se faire connaître aussi. Et depuis quelques années, il y a ceci aussi quelques bonnes galeries à Québec et à Montréal pour venir se joindre à un événement comme ça. Donc, souvent, ça peut être même l'occasion pour un artiste qui a été choisi par une ou un commissaire d'être dans l'écurie d'une galerie qui est présente pour l'événement. Donc, de se faire connaître par le public, par les collectionneurs, les collectionneuses, mais aussi par ce monde très difficile à percer que sont les galeries en art. Le monde de la diffusion avec les galeries, effectivement, c'est dur parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, bon, des galeries qui sont peut-être, disons, plutôt commerciales, mais si on parle de galeries d'art actuelle, juste à Québec, on n'en a pas beaucoup, hein, 1, 2, 3, 4, puis même c'est très pointu. Comme choix, ce qui fait que pour beaucoup d'artistes, c'est dur d'entrer dans une galerie. D'autant plus qu'une galerie ne peut pas, par exemple, avoir 70 artistes. En général, je dirais qu'une bonne galerie va fonctionner autour d'une vingtaine d'artistes. Pour être capable de bien travailler avec les artistes, sinon, à un moment donné, ça prend une très grosse équipe. Et puis là, bon, on s'en va dans un autre volume de galeries. Puis il y a, par exemple, sur la rue Saint-Pierre, on en trouve beaucoup de galeries comme ça, mais c'est pas le même niveau. Je pense que les galeries comme, par exemple, Michel Guimond, la Galerie 3, la nouvelle Galerie A, c'est des galeries qui vont travailler avec un créneau d'artistes qui est quand même dans un nombre restreint. Oui, bien, j'imagine, pour pouvoir bien faire ce travail de représentation, il faut garder une écurie, comme on dit, assez restreinte. Et puis, ouais. Paul Béliveau, toi, ta carrière s'échelonne déjà depuis les années 70. Ici, à Québec, puis ta carrière a une portée internationale, elle rayonne partout dans le monde. Et justement, ce marché de l'art, on l'entend déjà, tu le connais bien. Quel conseil pour des artistes de la relève qui voudraient prendre une place sur le marché de l'art, par exemple, tu pourrais donner? Ben, la première chose, c'est d'être capable au moins de s'établir au Québec. Quand je dis au Québec, c'est Montréal, c'est les deux grands centres, Montréal-Québec. C'est d'être capable d'être représenté ici. C'est un point de départ qui est important, ce qui n'est pas nécessairement vrai pour tous les artistes parce que ça se peut que des fois, le travail d'un artiste est plus reconnu à l'extérieur qu'ici. Et puis, ça prend aussi, parce que d'être représenté à l'extérieur, ça suppose aussi toute une organisation. C'est une chose qui se fait, je connais des artistes, juste envoyer des œuvres, par exemple, en Europe, pour eux autres, c'est comme quelque chose d'impensable, c'est complexe avec la douane, tout ça. Ce qui fait que si on veut s'embarquer sur un marché extérieur, il faut être en mesure d'être capable de bien travailler à ce niveau-là, parce que c'est très demandant, c'est beaucoup d'énergie. Moi, je le fais maintenant avec ma conjointe qui s'occupe de tout l'aspect remplir les papiers, le suivi des caisses. Comme là, il y a une caisse qui est arrivée aujourd'hui à Laguna Beach, au sud de Los Angeles. Donc, ça a pris une semaine. On fait le suivi, le tracking pour être sûr que tout se passe bien. Puis, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça se fait pas simplement. Fait que moi, au départ, je dirais aux jeunes artistes, établissez-vous comme il faut ici, montez votre il faut que votre travail soit bien vu, bien représenté par les galeries. Par la suite, bien, c'est la chance qui fait que on a l'opportunité d'être représenté par d'autres galeries. Puis moi, d'ailleurs, comme je l'expliquais dans l'entrevue de samedi dernier, j'ai dit que mon marché est devenu international, c'est-à-dire qu'il est devenu nord-américain avec beaucoup les États-Unis, grâce aux foires que la galerie qui me représentait à l'époque, la galerie Bellefeuille, faisait avec la foire à Toronto, à Chicago, à New York puis à Miami. Ça fait en sorte que mon travail, entre autres la série des livres, la série Vanitas que j'avais débuté en 2002, a été vu par des galeries qui ont dit, ben ça, ça m'intéresse, je vais appeler l'artiste. Donc, j'avais un site, on a notre numéro de téléphone. C'est beaucoup plus facile d'avoir accès à l'artiste maintenant directement plutôt que de passer par une galerie qui souvent ne veulent pas que leur artiste soit représenté beaucoup ailleurs parce qu'ils perdent un peu à ce niveau-là. Donc, c'est des fois qui m'ont permis justement d'avoir une bonne diffusion au fil des années. Mais pour arriver à ça, la première chose qui est essentielle, la seule chose qui est essentielle, c'est ton produit, ton travail, ton œuvre. Si ton œuvre parle, on va venir le chercher. Souvent, les gens, ils veulent pousser leur travail, mais il faut vraiment se démarquer là-dedans. Il faut avoir une singularité, ni plus ni moins. Et Paul Béliveau, c'est un très beau conseil pour les artistes de la relève. On te connaît quand même pour ton rôle de mentor. Tu as pris quelques artistes de la relève sous ton aile dans les dernières années, les dernières décennies. Tu es aussi président d'honneur de la Foire en art actuel pour ton rôle de collectionneur. Ton épouse et toi, vous êtes des collectionneurs. Donc maintenant, c'est une autre question pour l'autre côté. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour des collectionneurs néophytes qui veulent commencer, mais qui ne savent pas trop où se lancer? C'est des investissements qui, parfois, quand on commence, sont assez importants pour des petites bourses. Donc, quels conseils, Paul Béliveau, est-ce que tu donnerais à des nouveaux collectionneurs? Ben, je pense que lorsqu'on commence à collectionner, il faut peut-être s'enlever l'idée qu'on collectionne pour investir. Parce que si on fait ça, on va se peinturer dans le coin. Parce que finalement, souvent, tu as des jeunes artistes pour qui tu crois beaucoup, à qui tu crois beaucoup. Puis au fil des ans, souvent, il y a des artistes qui ont lâché le métier. Ben, c'est pas évident de réussir là-dedans. Donc, il faut le faire parce qu'on aime ça. Puis moi, Manon et moi, notre fourchette d'achat peut aller entre 150 $ puis 10 000 piastres ou 15 000 $ par exemple, pour une sculpture d'un sculpteur québécois, Jean-Pierre Morin, qu'on a acquis une dizaine d'années, en sachant très bien que Jean-Pierre, par contre, c'était pas une inquiétude pour nous, mais j'ai des œuvres qu'on achète parce qu'on aime. Premièrement, on a le goût de collectionner. Puis Manon puis moi, on le fait ensemble. J'ai eu la chance de bien vivre de mon travail. Puis je trouvais que c'était une façon pour moi de retourner ça dans le milieu, d'encourager des jeunes artistes, de sorte qu'on acquiert des œuvres, comme je disais, qui sont souvent très abordables au début. Puis par la suite, bien, selon notre portefeuille, on monte, on baisse, ça dépend des années aussi. Et on a acquis, au fond, je faisais le compte avec Manon, on a peut-être acquis ensemble autour d'une cinquantaine ou soixantaine d'œuvres. Je pense à Yvan Binette, j'ai 4-5 tableaux de Martin Bureau, entre autres, deux petites pièces de Dan Bro, Daniel April, j'ai un Riopel, j'ai les Diane Landry, quelques parapluies de Diane Landry, un projet de ses tout débuts de carrière, Bill Vincent, là j'en passe, j'en aurais le Guillaume Cyr, Guillaume Dessir, Renaud Salvaire récemment. Demain, je vais avoir une œuvre de Michel Saunier, une acquisition qu'on a faite quand je suis allé le voir à Saint-Jean-Port-Joli, une estampe. J'aime beaucoup l'estampe aussi, c'est pas juste des tableaux, comme je suis issu du dessin. Et de l'estampe, j'aime bien faire des acquisitions qui touchent vraiment des secteurs qui m'intéressent beaucoup. Bien sûr, la peinture, la photo est rajoutée à tout ça, mais c'est vraiment un bonheur d'aller chercher des pièces, Manon puis moi, qui vient nous combler finalement tous les jours. Et si on revient à cette 7e édition de la Foire en art actuel de Québec, parmi les 25 artistes qui sont présentés, est-ce que tu peux me parler de tes découvertes, des artistes que tu as découverts, que tu ne connaissais pas, qui t'ont beaucoup intéressé, Paul Béliveau? Oui, enfin, il y a un artiste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait l'acquisition d'une de ses pièces. C'est un artiste qui est à la même galerie que moi à Québec, la galerie Michel Guimond, c'est Jérémy Saint-Pierre. Ça fait longtemps que je reluquais son travail. Et puis, ben, je me devais là, de me commettre en faisant l'acquisition d'une œuvre de Jérémy. Donc, pour moi, c'est la première pièce de lui. Les découvertes, j'ai beaucoup aimé, là, j'ai pas les noms devant moi, j'ai beaucoup aimé le travail d'un, Eric, Erin, en tout cas, je ne suis pas capable de le nommer, c'est des éléments sculpturaux. Il y a Julie Bellavance, que j'aime beaucoup son travail. D'ailleurs, je connaissais son travail, là, je ne m'en cache pas. Puis, c'est une belle sensibilité. En estampe, en lithographie. C'est parce que là, je n'ai pas la liste devant moi, ma mémoire me fait défaut. Il y a Lucas Fortin, que j'ai trouvé intéressant aussi. Oui, Lucas Fortin, qui provient du monde de l'architecture, donc il y a une approche un peu différente aussi de quelqu'un qui peut avoir une formation en art. Oui, puis moi qui aime beaucoup l'architecture, souvent mon travail a été surtout auparavant, c'était très architectural, j'aimais bien refaire des espaces ou reproduire des espaces. Donc, c'est un travail qui m'intéresse, que j'ai hâte de suivre parce que c'est quand même assez nouveau. Mais dans l'ensemble, ça va un peu dans tous les sens aussi. La jeune peinture, il faut les voir aller. Hein? C'est il y a Mercadès que j'ai trouvé intéressant aussi. Je pense que ça a bien été. Amélie Pou, beau travail, très intéressant aussi ce que j'ai vu sur le site. Donc voilà, c'est un petit peu mes petits coups de cœur. Là, j'en oublie un peu parce que j'ai pas les noms. Si j'avais les noms devant moi, je me rappellerais de ce que j'ai vu. Mais en tout cas, ça a été cette année une belle brochette d'artistes avec des propos différents aussi. Ça a été un choix de Dominique qui a vraiment, à mon avis, c'était réussi. Oui, extrêmement diversifié. On en a pour tous les goûts, toutes les bourses. C'est vraiment une très, très belle exposition. On a jusqu'à dimanche pour faire des acquisitions. Il faut le dire, le site est très bien fait. Je l'ai dit à Michel, je dis vraiment, le site est très convivial. On peut acheter en ligne facilement. C'est facile de suivre les performances. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien réussi parce que souvent, il y a des sites, ça marche plus ou moins. Mais celui-là, vraiment, là, pour cette année, compte tenu des conditions dans lesquelles on est plongé, je trouvais que le site, quand même, était facile d'accès, convivial, puis on peut, on se perd pas là, dans les dédales là-dedans. Avec les capsules audio de À l'Est de vos empires également, ça vient nous porter un peu à la rencontre des artistes, puis nous insérer un peu dans leur processus de création. Je te remercie beaucoup, Paul Béliveau, pour ce bel entretien à propos de la Foire en art actuel de Québec. Donc, on a jusqu'à dimanche pour pouvoir aller sur le site pour faire des découvertes, pour faire des acquisitions. Et on se dit bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et avec moi en Zoom, j'ai Anne Damour-Nagdonald et Virginie Mercure. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'avais envie de vous recevoir ce soir pour qu'on parle des deux expositions virtuelles qui sont sur le site de Galerie A. Donc, Anne, c'est pas ta première expérience avec les expositions virtuelles puisque tu en avais fait une aussi en collaboration avec À l'Est de vos empires, l'exposition d'Antoine Lortie. Là, c'est un peu différent, par contre. Ce sont deux expositions de peinture. Donc, ça demande un petit peu d'inventivité, j'imagine. comment est parti ce projet-là? Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles? Ben, en fait, c'est un peu comique parce qu'Antoine, c'est aussi un peintre et puis lui, c'était très différent. Il avait conçu une exposition qui était une œuvre numérique, donc qui n'était pas de la peinture. Et Virginie et Nathalie avaient depuis plusieurs mois au calendrier de la galerie une exposition de peinture dans l'espace physique de la galerie au calendrier. Mais plus l'automne avançait, plus ça devenait... pas déraisonnable parce que, bon, on aurait le droit de recevoir quelques personnes dans le cadre d'une exposition, mais Nathalie et Virginie ont travaillé plusieurs mois sur leur production et c'est vraiment des œuvres magnifiques. Et moi, je me suis dit, bon, mais si on fait une exposition en galerie, on n'aura pas la visibilité habituelle qu'on a avec les visiteurs, les vernissages et tout ça parce que, bon, les rassemblements étant interdits. Donc, on s'est reviré et on a pensé ensemble à un moyen de diffuser leur travail pour qu'il soit le plus largement apprécié et vu. Donc, on a travaillé avec une technologie de scan 3D pour pouvoir installer dans l'espace les peintures puis donner une expérience de navigation virtuelle de l'exposition qui nous permet vraiment de voir les peintures en relation entre elles dans un espace d'exposition avec l'éclairage d'exposition et tout. Puis là, on a lancé l'exposition lundi de la semaine dernière, puis on a déjà vraiment des bons commentaires. Donc, je pense que malgré que l'exposition virtuelle ait été en réponse à la situation de la pandémie, je pense que ce qu'on nous présente est vraiment apprécié. C'est pas nouveau, on n'a rien inventé, mais ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Ben, c'est quand même intéressant aussi parce que la galerie A, c'est quand même un petit espace, qui est un très bel espace aussi, là, très lumineux. C'est toujours agréable d'aller le visiter. Mais c'est vrai que le scan 3D fait vraiment un beau rendu. Puis, par exemple, l'exposition de Virginie, qui est peut-être plus narrative, qui a un fil conducteur aussi, c'est sûr que c'est bien de pouvoir voir les photos de bonne qualité sur le site web, mais vraiment de les voir dans l'espace, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez eu des bons commentaires jusqu'à maintenant. Ce que je veux souligner aussi, inviter vraiment les gens quand ils sont sur le site de Galeria, donc c'est Galerie, galeria.ca, de vraiment bien lire les textes aussi parce que les artistes ont vraiment bien écrit sur leur pratique, puis ils ont écrit au jeu. C'est pas un texte qui a été retravaillé par quelqu'un d'autre, c'est vraiment... ça nous plonge dans leur pratique, un peu comme si on avait la chance d'être en vernissage puis d'échanger avec eux. Donc, ça vaut la peine de s'attarder vraiment à tous les aspects là, de l'expérience en ligne, puis le texte en fait partie. Ah oui, tout à fait. Ben, on y reviendra quand on parlera de l'exposition de Virginie. D'ailleurs, les textes sont... Ben, comme tu dis, c'est vraiment comme quand on est en vernissage puis qu'on peut... entendre un peu l'expérience de l'artiste, justement, puis les motivations, les inspirations. Avant de passer à Virginie, justement, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'exposition de Nathalie Thibault, qui n'est pas avec nous ce soir, mais Anne, tu pourras peut-être nous en parler. Hors d'onde, justement, je parlais avec Virginie, puis on se disait que c'était dans les premières artistes, justement, à avoir joint la famille de la Galerie A. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces deux artistes-là sont joints justement dans cette exposition-là, c'est ce couple d'expositions-là, si on peut dire ça comme ça? Oui, mais en fait, on a traité les deux expositions de la même façon, mais c'est vraiment deux expos solo complètement indépendantes de deux artistes qui ont leur pratique et leur direction. Nathalie Thibault présente les distracteurs de couleurs. Et pour moi, c'est vraiment un beau moment à vivre avec l'artiste parce que il y a 2 ans qu'on avait présenté son exposition à Québec. C'était vraiment les tableaux là, de forme ovale qu'elle présentait. C'était des grands, grands formats, des carrés ou quoi arrondis. Mais on voyait déjà une nouvelle direction se dessiner. Et puis... Nathalie a comme repris cette recherche-là sur Canva carré qu'elle n'avait pas travaillé depuis plusieurs années parce que justement, elle se concentrait sur ses formes de Canva rond, oblong et tout. Et puis, dans cette série-là, elle s'est vraiment donnée un peu comme un exercice, un ensemble de contraintes de départ pour explorer la matière, travailler la couleur, le geste. Parce que bien, c'est deux éléments au centre de la pratique de Nathalie, vraiment, oui, vraiment. Le geste et la matière, la réaction de la peinture, la couleur, comment la couleur peut se mélanger et devenir presque un témoin du geste que le peintre fait sur le canevas. Oui, puis explorer justement ces différentes méthodes-là, puis justement jouer avec la matière, comme tu dis. Je pense que le mouvement du dessin est vraiment au centre de sa pratique, sans que ce soit du dessin comme tel, là, mais ce qu'on voit dans l'exposition, c'est vraiment... on voit justement qu'elle utilise le pinceau presque comme un crayon. Mais oui, tout à fait. Je pense pas que ça soit emblématique dans toute sa pratique, mais c'est définitivement dans cette série-là quelque chose qu'elle a beaucoup exploré. Donc, elle partait avec des fonds qui étaient d'une seule couleur ou elle faisait des formes géométriques, donc deux couleurs sur un fond de Canva. Puis elle voulait venir jouer finalement sur ce fond de couleur-là avec des formes qui étaient individuelles, presque dessinées, où chacune répond à l'autre. Je trouve que c'est vraiment un beau résumé de ce qu'on peut voir. Tu me parles puis je regarde les images en même temps sur le site web. C'est l'avantage d'avoir ça tout sur le site web, justement. Puis il y a des très belles couleurs aussi, pastel, mais avec qui jouent aussi avec le contraste des couleurs foncées, des formes. C'est vraiment une pratique qui est super intéressante, justement, qui fait un peu différent de ce qu'on pouvait voir avant là, sur les... avec des formes de cadres différentes aussi, mais on voit quand même une continuité dans la pratique. Ah, c'est clair qu'il y a une continuité. Puis là, tu as parlé de couleurs, c'est vraiment intéressant d'entendre aussi Nathalie en parler. Elle dit qu'elle choisit intentionnellement des couleurs qui pourraient être mal aimées. Donc, tu sais, des espèces de petits roses sales ou des bruns. Des verts un peu kaki, ouais. Ouais, c'est ça. C'est clairement pas des couleurs qui feraient l'unanimité si on les prendrait seules, mais... Mais ça fonctionne tellement bien ensemble, par contre. C'est ça. Ben, c'est le jeu de peintre qu'elle adopte de faire fonctionner tous ces mouvements-là puis ces choix de couleurs-là ensemble. Pis c'est le défi qu'elle se donne puis qui fonctionne. Donc, c'est ce qui fait un peu son génie dans ce travail-là. Ah, tout à fait. Défi relevé. Ben, j'ai envie de passer à Virginie parce qu'on l'a avec nous ce soir. On en profite, on va lui poser des questions. Donc, Virginie, ben, on peut lire justement sur le site web, sur l'exposition virtuelle, des très beaux textes que tu as écrits justement. Merci. qui se lisent vraiment comme un recueil de poésie. C'est très, très intéressant de le voir aussi accompagné de ce scan 3D-là, de voir, comme je disais tantôt, c'est un peu plus narratif. Puis ben, je vais te laisser en parler. En fait, c'est quelque chose que c'est un corpus qui est ben, pas tiré, mais un peu inspiré d'une résidence que tu as faite en Inde. Oui, c'est ça. Ben, je voudrais juste vous remercier pour commencer d'avoir vraiment souligné l'importance du texte parce que ça fait vraiment partie de l'exposition. Là. Tout à fait. Je pense que tu sais, si on n'en tient pas compte, ça, on perd un peu de l'essence là, de ce travail-là, en tout cas. Oui, ben c'est ça. C'est un travail. En fait, c'est un travail que j'ai commencé dans une résidence en Inde que j'ai faite il y a 2 ans. Dans laquelle j'ai visité beaucoup de bâtiments anciens, de temples surtout, le temple hindou, bouddhiste, aussi chrétien. Oui, puis j'avais commencé... oui, c'est ça, des lieux de culte. En fait, c'est ça, donc j'ai commencé là-bas à faire des dessins en 3 dimensions, puis j'ai fait des petits tests de peinture, j'ai fait beaucoup de dessins aussi, donc c'était vraiment comme de la recherche comme telle. Puis quand je suis revenue ici, ben tu sais, j'ai récupéré ça, je l'ai peaufiné un peu, puis je l'ai traduit en peinture. Est-ce que, parce que, ben pour toi aussi, je suis en train de regarder les images pendant qu'on se parle, puis parce que tu parles justement que lors de ta résidence, puis en revenant te travailler le dessin 3D un peu, mais tes œuvres, elles sont faites qu'à l'acrylique. Oui. Mais en fait, c'est comme des reproductions de dessins 3D en partie, là. Il y a aussi de la peinture libre, là, mais... Oui, c'est ça, parce que ben, c'est pour ça que je prends la peine de te le demander, parce que les lignes sont très nettes. Et, oui, ben ça, c'est du hard edge qu'on appelle. Oui, très hard edge. Oui, c'est beaucoup de tapage. Oui, ben j'imagine que c'était ma prochaine question. En fait, je me demandais justement si tu faisais ça à pinceau levé, ce qui serait quand même un beau défi. Mais justement, on voit, ça donne vraiment l'impression, quand on regarde pas la description, qu'on voit pas le médium utilisé, ça donne vraiment l'impression que c'est un dessin, une œuvre qui est faite par ordinateur, mais il y a quand même ces touches-là qu'on voit qui nous font deviner un peu la peinture. Justement, ça a presque l'air d'un collage, tellement il y a des morceaux qui sont, des parties qui sont super clean en bon français. D'autres parties où on voit vraiment ton pinceau, ton tracé, justement. Puis, il y a une omniprésence de l'architecture aussi, bien sûr. Là, tu nous as parlé des lieux de culte. Puis on parlait de l'aspect plus narratif de ton exposition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui fait cette narration-là dans ton exposition? Oui, bien en fait, c'est la présence d'un personnage qui fait cette narration-là. C'est un personnage, je sais pas, je me souviens pas comment ça, il s'est imposé, mais en tout cas, il a fini par s'imposer, puis j'ai voulu l'intégrer dans chacun des tableaux parce que je voulais vraiment évoquer des moments vécus. Puis, je pense que le fait qu'il y ait un personnage dans le tableau, ben ça permet aux gens d'un peu de s'identifier, là, même si c'est juste une forme géométrique. Là. Fait que c'est un peu bizarre quand même de penser qu'on s'identifie à une forme géométrique. Mais non, mais c'est comme si ça suggérait un point de vue, un peu comme quand on rêve puis qu'on se voit à la troisième personne. Ouais, ça, c'est l'impression que ça me donne. Ouais, fait que dans le fond, c'était pour provoquer cet effet-là, dans l'effet que je pense que le spectateur vit le tableau un petit peu plus de l'intérieur en s'imaginant à la place du personnage, en fait. Ben oui, tout à fait. C'est vraiment, je vais réutiliser cette analogie-là, mais ça me donne vraiment cette impression-là, comme quand on rêve à quelque chose et qu'on se voit dans une scène. C'est vraiment l'impression que les tableaux donnent. Comme c'est un personnage qui est géométrique aussi, ça permet de s'identifier, là, j'utilise des guillemets dans les airs, là, mais justement de se mettre à la place de ce personnage-là. Oui, c'est ça, je l'ai voulu vraiment sans sexe, sans âge, sans paramètres sans autres que... Oui, c'est ça, juste un être. Oui, c'est ça, mais comme on le voit dans chaque tableau, on reconnaît sa présence un peu, puis de la manière qui est placée aussi, on peut facilement comprendre que c'est un personnage, justement. Puis on parlait des textes, justement, rapidement. Qu'est-ce qui a motivé ces textes-là? Est-ce que c'est des textes que tu as écrits pendant que tu créais les tableaux ou que tu as écrits par la suite pour l'exposition? Je l'ai écrit par la suite, mais tu sais, c'est quelque chose qui s'est construit vraiment tout au long de l'exposition. Là. C'était plus comme en suspens dans mon esprit tout au long de la création de l'exposition, mais à la fin, complètement, c'est sorti tout à fait fluidement. Oui, parce que ça se lit un peu comme un journal de voyage, vraiment. Il y a comme quatre parties au texte, puis ça donne vraiment l'impression que tu décris comme un séjour dans un immeuble et tout ça. Ouais. C'est mes moments silencieux. Oui, c'est ça. C'est vraiment un beau parcours, une belle expérience qu'on réussit à revivre virtuellement. Donc, merci d'avoir été avec moi, Anne D'Amour McDonald et Virginie Mercure. Merci à toi. Merci. Myriam, si tu permets, je voudrais inviter les auditeurs à visiter, mais depuis un ordinateur pour vraiment avoir la meilleure expérience là, du 3D. Vraiment là, bien zoomer depuis une plateforme là, d'ordinateur. Puis c'est ça, ça va être en ligne donc officiellement jusqu'au 23 décembre. Peut-être un petit peu au-delà, on verra. Jusqu'à maintenant, il y a plus de 300 personnes là, ou 300 visiteurs qui ont visité sur le site. Donc, on espère là, que les gens qui nous écoutent ce soir auront eu le goût de se connecter aussi. Ah, je vous suggère vraiment. Puis c'est vrai que pour avoir fait les deux, là, je l'ai d'abord vu sur mon téléphone, puis ensuite sur un écran d'ordinateur. Puis c'est vrai que c'est pas du tout la même expérience. C'est assez intéressant de regarder ça justement d'un ordinateur puis de pouvoir voir les images en plus gros puis d'avoir vraiment la visite 3D. Bien, merci beaucoup encore une fois. Donc, vous êtes invités à aller sur le site web galerieatoutdunbout.ca et dans les onglets au haut de la page, il y a l'exposition « Moments silencieux » de Virginie Mercure et « Les distracteurs de couleurs » de Nathalie Thibault. On se laisse pour une pause et au retour, c'est déjà l'agenda de la semaine. People in the present trace the path of the virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Alors, nous venons d'entendre un de la pièce Private Eye, toujours de Wax Triptych, qui est notre groupe de la semaine. Et c'est déjà la fin pour l'aérospatiale et ça se termine avec notre traditionnel agenda de la semaine. Donc, dès hier, du côté de Folliculture, c'était la dernière résidence de la programmation pour toujours mardi qui commençait avec l'artiste montréalaise Allegria Gobeil. Donc, c'est du 1er au 14 décembre. C'est aussi l'artiste qui est assigné à résidence pour l'année 2020-2021 chez Folliculture. Donc, on devrait en réentendre parler même après cette résidence dans le cadre de Pour toujours mardi. Et c'est également le 4 décembre à 18h30 dans le cadre de la Foire en art actuelle de Québec que va avoir lieu la performance virtuelle de l'artiste John Bertium. Et non, nous ne radotons pas. Elle devait avoir lieu la semaine dernière, mais il y a un défi technique qui a empêché la diffusion en direct de cette performance. Donc, ça va être un VJ set composé d'archives familiales en VHS trouvées, numérisées, manipulées sur un mashup vidéo. Donc, on ne manque pas ça. C'est ce vendredi. Chez Engramme aussi, il y a un kiosque de Noël au Grand Marché de Québec du 3 au 9 décembre. C'est une occasion en or pour encourager les artistes membres du centre et pour dénicher des cadeaux, des cartes ou encore des emballages sérigraphiés. D'ailleurs, cette semaine, sur la page Facebook d'Engramme, on a vu une belle petite œuvre de Michel Gagnon que... Peut-être faites ça vite parce que ça se peut que je mette les mains dessus. On se dépêche pour faire des belles acquisitions. Et ça va être la première micro-conférence d'une série présentée par la Chambre Blanche qui va avoir lieu via Zoom mardi prochain, le 8 décembre à 14h, avec l'artiste Amélie Laurence Fortin de la sculpture à la performance. Elle va discuter des changements dans sa pratique pour l'année 2020, donc entre Berlin et Varsovie. Soyez à l'heure parce que ça ne dure que 15 minutes. Oui, Amélie-Laurence Fortin, qui est une habituée de l'émission, on aime toujours se la recevoir. C'est la dernière semaine aussi pour voir deux expositions, deux événements. Donc, c'est jusqu'à dimanche le 6 décembre que se tient la Foire en art actuel de Québec, justement, en formule entièrement virtuelle, donc avec des capsules sonores et même quelques ateliers à visiter, mais surtout une sélection d'œuvres à acquérir. Et c'est aussi dimanche que va se terminer la vente aux enchères du Centre d'exposition Louise Carrier à Lévis. Encore une fois, une belle opportunité d'accueillir des œuvres d'artistes d'hier et d'aujourd'hui de la région de Chaudière-Appalaches. Oui, donc clin d'œil, c'est bientôt Noël, c'est des bonnes idées cadeaux, ça s'envoie bien par la poste, on y pense. Mais c'est déjà ainsi que se termine l'émission, cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress. C'est aussi le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisque nous y gardons un calendrier le plus à jour possible. Et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Donc, nous aimerions remercier Anne D'Amour, Virginie Mercure et Paul Béliveau, nous inviter cette semaine. Et un grand merci également à notre chroniqueuse, Cassandra Graham. Un salut spécial à la maison, à notre Napoléon Bourassa de la console, qu'on a hâte de retrouver en studio, notre cher Jacques Gignac. Merci à toi, Marianne Lange. Ah, bon. Great minds think alike. Donc, merci Jean-Pierre de co-animer avec moi comme à chaque semaine. Puis, on se laisse sur une dernière piste de l'album A Tale of Three Heads du trio Wax Triptych et on se dit la semaine prochaine!